sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Voyage au centre de la Terre, une série de Michel Pomarède réalisée par François Teste. Au départ de cette série, alors que s'est réveillé aux Philippines le volcan Taal, il y a une exploration, ou plutôt une traversée, du magma en fusion à la surface terrestre, en passant par les cratères des volcans, les terres arables, mais aussi les sols empoisonnés par l'arsenic des mines d'or ou les industries et qu'il s'agit de dépolluer. Alors pour commencer, les personnages. Un homme qui scrute le sol, le baron Haussmann, un créateur de forêts, une gardienne des essences, une phyto-remédiatrice, un thésard qui cultive et un cultivateur hors sol. Ensuite le décor. Des arbres, une forêt, des zones urbaines, une plaine polluée, une nécropole, des égouts, des métaux lourds, du miscanthus, aubergenville, des saules et des fraises. Aujourd'hui, deuxième épisode. C'est parti pour le Grand Paris. Voyage au centre de la Terre. Michel Pomarède, François Teste. Le Grand Paris guérit ses sols par les plantes. Grand Paris ne se décline pas qu'en lignes de métro et projets architecturaux. Mieux, il propose dans ses champs, ses plaines et ses carrefours un inventaire à l'après-vert. Miscanthus, arabette de Haller, saule des vanniers ou érable champêtre. Suivez le guide. Luc Blanchard, en face de nous, la plaine de Pierrelaye. Une vaste étendue à laquelle vous avez consacré un livre intitulé « Plaine en devenir ». Et si on faisait avec vous plutôt un flashback et qu'on repartait vers le passé ? Le problème de cette plaine, si vous voulez, c'est qu'il n'y avait pas d'eau. Donc quand on a une plaine sableuse et qu'on n'a pas d'eau, voilà, on peut faire de l'asperge, on peut faire des choses, mais on ne peut pas faire de la grande culture. L'histoire est extraordinaire parce que Haussmann, dans les années 1850, a le projet de faire une nécropole sur cette plaine, parce que c'est une plaine sableuse et que le gros problème de Paris, c'est ces cimetières qui débordent et qui provoquent des épidémies, en particulier le choléra. Et donc Haussmann, lui, son idée, c'est sortir les cimetières de Paris et, vu qu'on voit les choses en grand, de construire une ligne de chemin de fer qui va venir jusqu'à Méry-sur-Oise et qui va permettre de créer une nécropole ici à Méry-sur-Oise. Une nécropole de 75 000 âmes, on pourrait dire. Ouais, un truc énorme comme Haussmann pouvait l'imaginer à l'époque. C'est-à-dire qu'on trace un grand boulevard dans Paris, on tire au canon et on a un boulevard. On fait les choses en grand. Et puis finalement, la nécropole ne se fait pas et la ville de Paris se retrouve possédant l'affaire de la Haute-Borne ici et beaucoup de terrains dont, en gros, ils ne savent pas trop quoi faire. Et c'est à ce moment-là qu'on imagine de dépendre les eaux d'égout sur cette plaine sableuse de façon à épurer cette eau et aussi à apporter aux agriculteurs une manne, en fait. Et donc, c'est de l'eau dans laquelle il y a des excréments, il y a de l'urine, il y a tout ce dont les plantes ont besoin pour se développer. Donc, on va amener aux paysans, ici, une eau et un engrais en même temps, qui va leur permettre de développer le maraîchage de manière extraordinaire, en fait. Pendant un siècle, les eaux d'égout de Paris ont été épandues sur cette plaine. Ça a été formidable pour les agriculteurs qui ont pu développer le maraîchage en grand, quoi. Mais on s'est rendu compte dans les années 90, à la fin des années 90, que avec cet engrais liquide qui était amené, il y avait aussi des métaux lourds. Et que donc la plaine était gravement polluée. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un arrêté préfectoral qui dit on ne peut plus faire de maraîchage, on ne peut plus cultiver. Donc, il y a des études qui sont faites, on se rend compte que, bien sûr, on ne peut plus cultiver des légumes, mais on pourrait faire du maïs essentiellement pour les animaux, parce qu'il se trouve que les métaux lourds ne montent pas jusque dans l'épi de maïs. Et puis, c'est un peu la série noire, cette histoire. Hein. On se retrouve avec la chrysomèle du maïs, un insecte ravageur qui va empêcher de faire sur cette plaine de la production de maïs. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui reste comme solution? L'idée d'y faire une forêt, ça permet plein de choses. Ça permet la ceinture verte autour de Paris, de faire des connexions entre des massifs boisés et en particulier entre le massif de Montmorency et la forêt de Saint-Germain. France 3, Île-de-France, 2009. Allez, on parle maintenant environnement. Le bois a de l'avenir, Marianne. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit aujourd'hui en Corrèze. La forêt française est la plus grande d'Europe, mais nous sommes obligés d'importer du bois. C'est notamment pour cela que le président de la République veut une nouvelle forêt dans le Grand Paris. Elle sera plantée à partir de 2017 sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt dans le Val d'Oise. C'est tout simplement du jamais vu depuis le XVIIe siècle et Louis XIV. Bernard Taillis, vous êtes le président du syndicat mixte d'aménagement de la plaine de Pierrelaye. Donc à ce titre, c'est vous le maître d'ouvrage de la future forêt. On est 10 ans après le lancement du projet. Est-ce que vous pouvez m'en redonner le calendrier? 2009, donc le discours sur le Grand Paris et la création d'une forêt sur le Val d'Oise est cité par le président Sarkozy. Et cela a généré la création d'études de faisabilité qui ont été conduites conjointement par les services de l'État, les collectivités, régions, départements, communes et d'autres organismes encore qui ont mené des études de faisabilité pour vérifier que l'on puisse bien implanter une forêt sur l'espace. Ceci s'est traduit du fait des conclusions positives. Ceci s'est traduit par la création du syndicat, donc le SMAP que vous venez de citer, en février 2014 et l'installation de ce syndicat en mai 2014, juste après les élections de ce mandat. Mais Bernard Taillis, cette plaine, elle était divisée en multitude de parcelles, 6000 parcelles. Est-ce que le plus gros du travail, ça n'a pas été d'aller rechercher qui était propriétaire de telle parcelle? C'est un gros travail, il n'est pas terminé. Donc, faut savoir que 45% des surfaces, pas du nombre de parcelles, mais des surfaces, appartenaient à des entités publiques. Et donc, avec lesquels nous avons conclu donc en 2018 des accords pour céder, et on peut appeler ça transférer, puisque finalement les collectivités étaient déjà des entités publiques, ont cédé ont voté la cession. Pour certaines, maintenant les actes sont signés, pour d'autres, il reste encore à les signer. Donc 45% des surfaces sont maîtrisées sur les parcelles des entités publiques. Pour les parcelles particulières, il en reste encore 4000. Et c'est un travail qui va se faire au fil des années. Et ça va prendre du temps encore, ça. La plaine, c'est 1000 hectares. Et le coût, c'est près de 90 millions d'euros. Alors, c'est 1350 hectares. 85 millions, 84,500 aujourd'hui dans les prévisions. Oui, ce sont des gros chiffres. Et en tout cas, 1300 hectares, une forêt en Île-de-France en création, c'est inédit, si on peut dire. Alors Bernard Taillis, vous n'avez pas créé cette forêt ex nihilo, vous êtes adressé à l'ONF, l'Office National des Forêts, comme partenaire, et vous leur avez demandé quoi exactement? Alors nous, comme je le disais tout à l'heure, le syndicat est maître d'ouvrage. Le syndicat, je le rappelle, est composé de la région Île-de-France, du département du Val-d'Oise et des 7 communes, dont certaines à travers la communauté d'agglomération du Val-Parisis. Donc nous agissons en maître d'ouvrage et nous avons désigné, après un appel d'offres public normal, nous avons désigné l'ONF comme maître d'œuvre pour la conception et le suivi de la réalisation de cette forêt. Et le sol, est-ce qu'il a été dépollué avant la plantation des premiers arbres ? Non. Donc il est clair, il a toujours été clairement exprimé qu'il n'y a pas d'épollution du sol. Les études ont montré que c'était cohérent et compatible, parce que dépolluer 1300 hectares, ça représenterait, si vous voulez, évacuer les terres correspondantes. On générerait peut-être plus d'inconvénients pour l'environnement que de laisser la pollution en place. Les sols aujourd'hui sont inaptes à la production de végétaux, enfin à consommation humaine. En revanche, ils ne sont pas inaptes au déplacement du public dans une forêt, l'occupation normale d'une forêt. Cela fait partie parmi les études préopérationnelles que je citais, qui ont été menées entre 2010-2013, l'analyse a été menée pour vérifier que c'était compatible. Est-ce que ça sera une vraie forêt? Puisque, est-ce que le riverain pourra ramasser des champignons, et est-ce qu'il pourra manger du lièvre qui gambaderait dans les taillis? Je vois ce que vous voulez dire. Vous allez directement au but. Non, précisément, il sera affiché de ne pas consommer des végétaux provenant de la plaine ni des animaux sauvages. Je ferai remarquer néanmoins que les lièvres, aujourd'hui, les chasseurs du coin les chassent. Hein. Bon, mais ça n'empêche pas que nous recommanderons de ne pas le faire. Hein. Mais non, en revanche, pour votre question, ce sera une vraie forêt avec des arbres forestiers et ce n'est pas un jardin public. Des champs, des dépôts sauvages et des caravanes, voici la plaine de Pierrelaye. Dans 10 ans, tout ceci commencera à disparaître sous une forêt naissante. Car la plaine maudite, c'est son surnom, doit devenir le poumon vert du Grand Paris grâce à la plantation de millions d'arbres. Claire Novak, vous êtes responsable forêt au sein de l'Office national des forêts. Oui. Les contraintes du projet, oui, pour vous, spécialiste des essences, c'est quoi ? Les contraintes du projet, elles sont multiples. Là, on a vraiment la spécificité d'avoir un projet qui est sous contrainte, donc on est obligé d'être assez créatif. On a bien évidemment la contrainte de la pollution des sols, mais finalement, c'est seulement une variable de l'équation. C'est derrière nous, là, les auditeurs ne le voient pas, mais on a toute une étendue de champs. Une forêt qui pousse au milieu d'un champ, c'est pas la même chose qu'un arbre qui pousse dans un milieu forestier. Il est beaucoup plus exposé aux conditions climatiques, il est exposé au vent. Avant, sur ce territoire, on avait toute une série de haies. Puis un peu comme partout en France, les haies se sont faites de plus en plus rares. Et donc un arbre planté aujourd'hui au milieu de ce champ, il subit l'influence du vent. Le vent va le déformer, et puis le vent va accentuer l'effet du froid en hiver, le vent va accentuer l'effet du sec en été. L'effet du sec, il est d'autant plus fort ici qu'on se situe sur une plaine maraîchère, et cette plaine maraîchère, elle est constituée de sable en dessous. Donc le sable, en soi, c'est déjà un souci, parce que ça veut dire qu'il ne retient pas beaucoup d'humidité, l'eau, donc que ces plants vont devoir grandir dans des conditions d'exposition aux conditions climatiques, d'exposition à la sécheresse qui vont être très fortes. Dès cette année, on va commencer à implanter des premières haies brise-vent sur les parcelles qui sont derrière nous pour rétablir des linéaires qui vont se développer plusieurs années avant l'implantation des plants à l'intérieur pour essayer de recréer des sortes d'alvéoles protectrices. La contrainte de la pollution, Claire Novak, comment, oui, vous l'avez intégrée à votre projet ? La pollution, c'est finalement une des variables de l'équation. Donc par rapport à la pollution, ce qui est spécifique dans cette pollution, c'est que c'est une pollution où on a plusieurs éléments qui sont présents dans le sol. On peut avoir du zinc, on peut avoir du plomb. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous vous mettez à un point, que vous creusez, vous allez trouver un élément. Si vous vous déplacez de 10 mètres, vous allez peut-être en trouver un autre. Donc on est sur une complexité de ces niveaux de pollution qui est extrêmement forte. Et cette complexité, elle crée pour nous de l'incertitude. Et face à l'incertitude, finalement, la solution de l'ONF, ça a été de dire on ne va pas essayer de chercher une super essence. En fait, on va essayer de fabriquer un écosystème résilient. Un écosystème qui soit capable de se prendre des baffes et de se relever. Et comment on crée de la résilience en forêt? C'est en créant de la complexité et de la diversité. Et donc la grande stratégie forestière de ce projet-là, c'est d'essayer de ramener une diversité d'essences suffisamment forte pour que quand une maladie arrive, quand une difficulté arrive, et que cette essence est mise en difficulté, il y en a une autre immédiatement derrière qui soit en capacité de prendre sa place. Donc on a un cocktail en fait d'essence, une palette d'essence qui est beaucoup plus élargie que ceux qu'on a l'habitude de mettre en place parce qu'on a une incertitude beaucoup plus forte due à la pollution, due au vent, due à la sécheresse, due au sol, due au lapin, due à plein de choses. Et donc par rapport à toutes ces contraintes, la meilleure solution pour nous, c'est vraiment pas de se situer au niveau de l'arbre, c'est de se situer au niveau de la forêt. Pierre Novak, le cocktail, on peut le détailler ? Oui, le cocktail, on peut le détailler. On est resté sur des essences qui sont des essences qui se caractérisent par leur frugalité. C'est des essences généralistes qu'on a été chercher dans les montagnes, qu'on a été chercher en France principalement, qu'on a été chercher dans des milieux difficiles. Ça peut être des essences qui ont l'habitude de croître dans des zones d'éboulis, par exemple, ou des essences qui résistent particulièrement bien à la sécheresse. Donc c'est toute la famille des tilleuls, la famille des bouleaux, la famille des aulnes, la famille des érables, la famille des chênes élargies. À chaque fois, je dis la famille d'eux, parce qu'on a des essences à l'intérieur de ces familles-là. Tilleul à petite feuille, tilleul à grande feuille, aulne blanc, aulne à feuille en cœur, aulne glutineux. Toutes ces essences-là, on va essayer de les mélanger et de choisir, en fonction de la nature du sol, lesquels sont les produits appropriés. Et ça, on le raccroche à nos connaissances du climat d'aujourd'hui et du climat de demain, puisque c'est une forêt, ça dure longtemps, hein. Elle est là pour 200 ans ou plus. Donc le climat de l'Île-de-France aujourd'hui, c'est une chose, on a envie qu'elle puisse durer. Donc on regarde quel est le sol ici, quel est le climat ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas du climat de demain, et on le recroise avec cette palette pour, parcelle par parcelle, essayer de sélectionner ce petit cocktail le plus approprié possible. En tenant compte aussi d'une chose, c'est que les essences forestières, elles doivent pouvoir se tolérer entre elles. Si je mets une essence qui pousse très très vite à côté d'une essence qui pousse plus lentement, et que je reviens dans 10 ans, il m'en restera qu'une seule, c'est celle qui poussait très très vite et qui a étouffé celle qui poussait plus lentement. Donc on est sur un équilibre très délicat où il faut bien doser le cocktail pour faire en sorte que ce qu'on met ne se nuise pas, voilà, entre eux, pour que toutes ces essences puissent continuer à se développer ensemble. Pierre Novak, les premiers implants ont été plantés dans la plaine le 25 novembre. Oui. Il y en a combien qui ont été plantés ? On a à peu près 17 hectares de boisement et donc plus de 20 000 plants qui ont été mis en place. Une autre stratégie forestière dont je ne vous ai pas encore parlé, c'était que comme on est face à un sol nu, il est très important pour nous de pouvoir avoir le plus vite possible ce qui ressemble à une forêt. Et donc on va venir planter à des densités, donc à un nombre de plants, beaucoup plus élevé que ce qu'on peut avoir l'habitude de faire. On a à peu près 2500 plants par hectare qui sont implantés sur ces premières phases. Ça fera un total de plus d'un million de plants sur tout le projet. Et en les plantant proches des autres, proches les uns des autres, on a cet effet de protection où les plants vont être en capacité de recréer plus vite un écosystème propice à cette végétation forestière, qui retienne mieux l'humidité, qui apporte plus de diversité et de protection due à la végétation. Pierre Novak de l'ONF explique que donc elle a choisi des essences, des feuillus résistants qui vont se protéger les uns les autres. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer un jour, Luc Blanchard, que vous écriviez à nouveau Plaine en devenir, mais tome 2, en imaginant que de cette forêt naisse une nouvelle filière bois et qu'on on se retrouve avec la confection de tonneaux, de balais et de charbon de bois? Retour un siècle auparavant. Écoutez, quel est le problème des essences et pourquoi est-ce que l'ONF vous dit ça? Parce qu'on sait que les forêts, certaines forêts, en particulier les forêts de pins, sont des milieux acides. Or, le sol est pollué. Et ce qu'on craint avant tout, c'est un relargage de ces métaux lourds dans la nappe phréatique. Donc, comment faire pour qu'il n'y ait pas de relargage? Alors, il y a eu des études multiples qui ont amené, dans un premier temps, à penser qu'il fallait absolument continuer l'agriculture et que c'était comme ça qu'on stabiliserait les métaux lourds en surface. Et puis, finalement, l'idée de planter une forêt, mais avec certaines essences, et en particulier pas des sapins qui acidifient le sol, et aussi de faire tous les 10 ans un cholage de façon à arriver à avoir un pH neutre, prend corps. Et donc voilà, alors l'idée, est-ce que c'est de refaire du charbon de bois et des tonneaux ? Peut-être pas, c'est plutôt l'idée de d'abord de protéger Paris avec cette ceinture verte, ensuite de développer ici peut-être un pôle touristique important, parce qu'on sait que ces forêts en Île-de-France sont très prisées et que pour les franciliens, c'est très important d'avoir des lieux où pouvoir se rendre, se faire un bain de forêt, quoi. Donc peut-être plutôt ça. Et d'ailleurs, la ferme de la Haute-Borne doit devenir une des portes d'entrée importantes de cette future forêt. Les lieux dits ici, c'est Bois Rosière, Bois Madame, Bois Boulet et Bois aux Moines. Ouais. On pourrait dire qu'ils vont retrouver leur utilité pour désigner des portes d'entrée de cette nouvelle forêt. Absolument. Absolument. C'est sûr que ces lieux-dits, cette toponymie va permettre de raccrocher cette histoire ancienne du temps des cartes de Cassini à une modernité qui est une nouvelle façon de penser finalement les avantages écosystémiques que peut rendre une forêt. Florent Clavier, vous êtes directeur de mission pour la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et vous avez lancé une expérimentation sur 300 hectares de terres polluées dans la boucle de Chanteloup-les-Vignes avec le miscanthus, aussi appelé roseau de Chine. Quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à cette plante ? L'intérêt que la communauté urbaine a pu avoir pour le miscanthus remonte au début des années 2000-2010. À l'issue d'une problématique de pollution des sols que nous avons rencontrée sur une partie de notre territoire, qu'on appelle la boucle de Chanteloup, territoire historiquement de culture maraîchère, qui a connu des pollutions, notamment en métaux traces, qu'on appelle des métaux lourds, à l'issue d'à peu près d'un siècle d'épandage des eaux usées de la ville de Paris. Du fait de l'arrêt des cultures à vocation alimentaire, la question s'est posée de savoir ce qu'on faisait de ces terres. Puisque il y avait une déprise agricole qui s'organisait et un grand nombre de désordres qui se sont installés, notamment des dépôts sauvages, des occupations illicites et donc toutes sortes de difficultés qui vont autour. Donc pour essayer de trouver un nouvel usage à ces terres et d'avoir une vraie réflexion sur les dépollutions et savoir comment on pouvait traiter ces sols, une étude a été lancée autour de 2008-2009, pour identifier quel type de culture éventuellement on pouvait essayer de remettre en place, sachant que la volonté à l'époque était bien de garder une activité agricole sur ce territoire. Et il est apparu que le miscanthus, en fonction d'un certain nombre de critères, notamment sur sa capacité à capter et à bloquer les polluants, sa capacité à pousser relativement vite, avec les contraintes que nous avons sur notre territoire et notre climat, le miscanthus, qui est effectivement une espèce végétale asiatique issue de Chine, est apparue comme plutôt pertinente. Alors, on ne s'est pas orienté tout de suite vers le miscanthus qu'on peut trouver en Chine, mais plutôt sur des variétés qu'on retrouve dans nos latitudes qui sont transformées, travaillées, notamment pour les rendre non reproductrices et éviter qu'elles s'essaiment. On est 10 ans après le début de l'expérimentation. Florent Clavier, vous disiez 2009. Si mes chiffres sont bons, c'est une trentaine d'hectares sur les 300 hectares pollués qui ont été expérimentés. Coût 1 million d'euros. Est-ce que c'est rentable ? Alors aujourd'hui, on peut difficilement parler de rentabilité. en 2019, concrètement aujourd'hui, 10 ans après l'implantation. Alors, pas tout à fait 10 ans. On a commencé à réfléchir à partir de 2009. Les premières plantations se sont faites à partir de 2012-2013. Et aujourd'hui, la rentabilité, en fait, elle va dépendre énormément des filières expérimentales et novatrices qui se mettent derrière pour traiter ce miscanthus. Combien d'agriculteurs sur 30 hectares ont été concernés par cette expérimentation sur le miscanthus, Florent Clavier ? Nous avons sur la boucle de Chanteloup 2 agriculteurs aujourd'hui qui travaillent encore le miscanthus. Ce sont les 2 agriculteurs de démarrage hein, qui étaient déjà dans le secteur, c'est des agriculteurs locaux, hein, qui étaient très impliqués dès le démarrage sur ce projet. Ils y ont vu tout de suite un intérêt à l'avenir. Ils sont encore impliqués, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent qu'on a besoin de les soutenir parce que, pour parler franchement, ils ne gagnent pas leur vie avec ce travail de culture du miscanthus. Florent Clavier, on est dans une des grandes salles de réunion donc de la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise, là où vous réfléchissez sur le miscanthus. Est-ce qu'on peut aller voir, au sein de ce que vous appelez le cœur vert, ces plants de miscanthus ? Avec grand plaisir, je vais vous emmener voir à quoi ressemblent nos plantations de miscanthus, les pieds directement dans le sol. Clavier, on a quitté Aubergenville, on a roulé une dizaine de minutes et maintenant on est à Carrières-sous-Poissy. Est-ce qu'on pourrait planter un peu le décor ? Nous sommes en plein milieu là, du champ de miscanthus qui, à taille adulte, fait à peu près 3 mètres de haut. Et là, on a la chance de le voir en fleurs. Et visuellement, ça ressemble assez fortement à des roseaux. Hein, donc avec des feuilles très fines, plutôt longues, longitudinales. Et avec un petit plumeau au sommet qui ressemble vraiment à du roseau. Comme on était sur des parcelles cultivées pour du maraîchage, en fait, on était sur des parcelles très fines, pas très larges, plutôt en type lamellaire. Et on se rend compte qu'à 2 mètres de distance, deux parcelles plantées de miscanthus vont pas pousser de la même façon. C'est-à-dire qu'on se rend compte que sur une parcelle, ça va plutôt pas trop mal pousser. Et 2-3 mètres plus loin, le miscanthus va avoir beaucoup plus de mal à pousser. Donc même sur un secteur qui, comme ça, visuellement, peut paraître homogène, on se rend compte qu'au niveau du sol, on a des différences assez importantes. Et quelque part, c'est tout l'intérêt pour nous aussi d'avoir planté le miscanthus là, parce que l'idée, alors, initialement, la réflexion était de pouvoir éventuellement dépolluer. On se rend compte que le miscanthus n'est pas forcément une plante dépolluante, mais qui va plutôt fixer les polluants. Elle a aussi cet avantage de ne pas faire migrer les polluants dans les tiges et dans les feuilles. Donc ce qu'on cultive, ce qu'on récupère, les feuilles qui tombent, les tiges qu'on va collecter, ne sont pas chargées en métaux lourds, ne posent aucun problème de ce côté-là. Les métaux lourds vont avoir plutôt tendance à se fixer dans les rhizomes, donc dans les racines. Et c'est donc dans ces racines-là qu'on va permettre de bloquer un peu la micropollution type métaux lourds et éviter qu'elle ne migre dans les sols et dans les nappes phréatiques. Bernard Courtin, vous, le miscanthus, vous y croyez dur comme fer. Vous êtes le responsable de l'association Biomis G3. Donc on pourrait dire que vous êtes l'interface entre les institutionnels et les industriels. Dans vos mains, vous avez un objet fabriqué par Peugeot avec du miscanthus. C'est quoi ? Alors ça, c'est un pied-milieu, c'est-à-dire que c'est une pièce qu'on met sur la paroi entre le siège avant et le siège arrière et qui permet de fixer la ceinture de sécurité. C'est un prototype, là, les couleurs cacadois. Absolument, les premières pièces sont prévues pour 2021, en production sur un véhicule futur. Et il y aura quantité d'autres pièces, hein, des planches de bord, des renforts de becquet, des plaques sous capot moteur, des consoles centrales. Renault vient de se mettre dans la boucle, ce qui veut dire que, et c'est là que l'appui des grands groupes est essentiel, ce sont des donneurs d'ordre. Donc ils ont certifié, référencé la matière première, hein, qui est donc fabriqué avec du polypropylène et 30% de miscanthus micronisé dedans, et qu'ils peuvent dire à leurs grands équipementiers, hein, Valeo, Faurecia, Plastivaloir, quantité d'autres, allez-y, c'est bon pour nous. Et ça, le pourcentage de miscanthus 30%. Pour la plasturgie en général, c'est 30%. Pour le fameux bloc béton, là, ça sera beaucoup plus. Hein, c'est 60% minimum, sachant que c'est 60% en volume, hein, remplace la totalité des graviers. Et c'est extrêmement important puisque les graviers sont des ressources totalement épuisables qu'on va chercher de plus en plus loin. Là, le miscanthus poussant chaque année, puisque c'est un rhizome, hein, c'est une plante pérenne, eh bien, les ressources, elles sont... on peut les épuiser, quoi. Elles se renouvellent d'elles-mêmes. Une maison qui contient des blocs à 60% de miscanthus, il y en a une dans les parages ? Pas encore. Il y a eu des murs qui ont été construits. Il va y avoir une première réalisation à Chalon. Là aussi, les premières maisons sont prévues pour 2021. Est-ce qu'il a des défauts, le miscanthus, qui a ni besoin de labourage, ni de pesticides, ni engrais, qui tient 20 ans, qui résiste à tout ? Alors, sur les défauts, c'est une plante sauvage. Il n'y a pas eu d'amélioration variétale. Il y a eu des espoirs de l'INRA, mais ils n'ont pas été couronnés de succès jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une plante difficile à domestiquer. C'est une plante qui parfois ne lève pas, comme on dit, ou lève à 2 mètres et puis pas ici. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser, sans quoi on est obligé de replanter là où il y a des trucs. Une de ses qualités et un de ses défauts, c'est en fait de dépendre d'un bon printemps. Il faut de la pluie et du soleil au printemps. C'est là qu'il lève véritablement et qu'il peut atteindre 3-4 mètres. Si on résumait, Bernard Courtin, est-ce que le miscanthus, qui est donc, on pourrait appeler ça la plante zéro pollution, c'est la plante de l'avenir pour les conditions du réchauffement climatique qui s'annonce dans les 20 ans qui viennent ? Bon, c'est un bon candidat. Quand je dis c'est un bon candidat, c'est qu'il y en a d'autres. Hein. Le lin a d'énorme qualité sur certains côtés, le chanvre également. Et je pense que l'avenir, c'est vraiment d'être capable d'établir des synergies entre ces filières et surtout, et la recherche est déjà là-dessus, des mélanges. Mix fibre, voilà. C'est les qualités du miscanthus, moins les défauts du lin, plus, etc., qui permettra de mettre au point des produits qui vraiment seront déjà une biomasse industrialisée, quoi. Dès qu'elle sort du champ, elle a déjà des qualités qui font que les industriels vont encore plus vite s'y intéresser. On est à Montataire, à côté de Creil, dans un carrefour végétalisé. Et vous, Valérie Berthe, vous êtes ingénieure de recherche à l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques. Alors, votre institut est très sollicité en ce moment sur Lubrizol, mais on n'est pas là pour parler des catastrophes, on est là pour parler de l'environnement, de la phytoremédiation, de la phytostabilisation, de la phytoextraction, de la phytodégradation. Est-ce que, en gros, vous pourriez me parler des plantes dépolluantes ? Oui, donc les plantes dépolluantes, on est plutôt du coup dans la phytoextraction. Donc c'est l'utilisation d'espèces végétales pour dépolluer partiellement un sol pollué par les métaux et métalloïdes. Donc les métaux, par exemple, c'est le cadmium, le zinc. Vous êtes ici donc au carrefour des Forges, donc c'est un carrefour comme vous le voyez en milieu urbain sur lequel donc il y a eu un projet d'aménagement de réhabilitation en fait en écoquartier. Donc l'idée c'est de ramener de la nature en ville et comme on est dans la vallée de l'Oise, il y a eu un certain nombre d'industries qui ont laissé des traces de pollution et les terres, donc un certain nombre de terres sont polluées par les métaux en particulier. Et donc l'idée avec la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise, ça a été de faire une expérimentation innovante de démonstration avec des espèces végétales pour essayer de dépolluer donc partiellement les sols pollués par le zinc et le cadmium. Et donc ici on a deux types de plantes sur lesquelles on travaille. Une plante de la famille des brassicacées, famille du chou, mais qui n'est pas comestible, qui s'appelle l'arabette de Haller. Et un arbre, un ligneux, qui est le saule des vanniers. Alors, si j'ai bien compris, d'un côté de l'Île-de-France, on plante du miscanthus. Et là, c'est le rhizome qui reste dans la terre, qui garde tous les métaux lourds. Et après, on récolte les feuillages du miscanthus. Vous, vous plantez des plantes et les métaux lourds, ils grimpent dans la plante. Et après, mais qu'est-ce que vous faites de ces métaux lourds, Valérie Berthe? Alors, donc effectivement, dans le cadre du miscanthus, donc, on est plutôt sur l'approche phytostabilisation. Donc, on va mettre des plantes qui n'accumulent pas les polluants dans les parties qu'on récolte. Nous, ce qu'on fait, c'est au contraire, on va utiliser des plantes qui vont accumuler beaucoup les métaux, le zinc et le cadmium, dans les parties qu'on va récolter. Les feuilles, dans le cadre du saule, ou le bois, dans le cadre du saule. Et les parties vertes ou les fleurs dans le cadre de l'arabette de Haller. Est-ce qu'on peut aller voir un peu plus près les végétaux? Bien sûr. Alors ici on est dans une saulaie. Une saulaie, ça veut dire qu'on a fait une plantation en fait de saules, donc de saules des vanniers. Ce sont des saules qui ont été plantées de manière très serrée, c'est un taillis à très courte rotation. Et on a initié donc depuis quelques années une couverture végétale donc, qui va travailler en synergie avec les saules, c'est la couverture donc d'arabette de Haller, qui est une petite plante herbacée qui se trouve donc au pied des saules. Ça ressemble à quoi ? Alors, c'est une petite plante qui fleurit blanc. La plante n'est plus en fleur aujourd'hui. Donc, ce qu'on voit, c'est un tapis, en fait, au sol de feuillage qui donc couvre le sol. Et c'est cette petite plante, en fait, qui a un intérêt vraiment important en comparaison du sol, parce que même si elle est plus petite, même si elle fait moins de biomasse, elle accumule beaucoup plus le zinc et le cadmium que le sol. Et donc le saule ici, il pousse très bien, il fait 7-8 mètres de haut, donc on a planté en 2013, et donc on a atteint a priori la taille maximale en fait, de la saulaie dans ces conditions. Je lisais dans la littérature de l'INERIS qu'il y a à peu près plus de 400 sites pollués en Île-de-France et 260 000 dans toute la France. Est-ce à dire que la phytoremédiation a de l'avenir devant elle? Alors, ce ne sont pas des technologies qui vont remplacer les techniques qu'on utilise aujourd'hui pour dépolluer les sols. Ce sont des techniques qui sont applicables dans certains cas. On est plutôt sur du cas par cas. Quand on a des grandes surfaces, par exemple, et que les techniques conventionnelles vont devenir tout de suite trop coûteuses, on a des volumes pour dépolluer. Essentiellement, on fait de l'excavation et de la mise en site de stockage de déchets des terres. Donc, ce qui n'est pas développement durable. Et du coup, ces techniques-là, elles ont cet avantage-là, c'est-à-dire qu'on peut travailler in situ, sans devoir excaver les terres. Et on est vraiment aussi, donc, on suit le principe de développement durable et d'économie circulaire, puisque les terres restent en place. C'est pas parce qu'elles sont polluées qu'il n'y a plus de vie dedans. Donc, on conserve en fait une ressource sol qu'on sait bien être limitée. Et en milieu urbain comme ici, ça a tout son sens en fait de garder des sols pollués parce que c'est aussi des économies pour la communauté d'agglomération par exemple, pour les collectivités. Elles évitent donc de mettre en site de stockage leur sol, elles sont réutilisées et on voit ici en fait un exemple d'intégration parfaite de la végétation dans le quartier qui a été complètement renaturé. De l'extérieur, on ne voit pas du tout qu'on a un sol pollué. Est-ce qu'on peut aller voir maintenant en laboratoire à l'INERIS comment vous extrayez les métaux lourds de ces plantes? Allez, on y va. Là, on est dans couloirs, même dans le sous-sol de l'INERIS, donc l'Institut National Industriel et des Risques. Qu'est-ce que vous faites ici, vous ? Alors moi, je suis doctorant, du coup, en troisième année de thèse. Et donc, je suis sur le projet ExtraZinc pour améliorer les deux plantes qu'on a vues tout à l'heure, donc l'arabette de Haller et le sol des Bagnés. Arnaud Grigny, on a vu les petites plantes au ras du sol. Oui. Vous en faites quoi après ? Bah, du coup, on récolte donc les biomasses, donc les parties aériennes. Et du coup, on les ramène ici à l'INERIS. On les fait sécher dans des étuves. Et ensuite, on va les broyer pour pouvoir mesurer les concentrations en métaux dans les parties vertes, en fait. Donc, c'est ça qu'on va voir. On va voir le broyeur. C'est ça qu'on va voir maintenant. Arnaud Grigny, vous avez sorti un broyeur qu'on pourrait utiliser dans une cuisine. Oui, tout à fait. Parce que les arabettes, en fait, c'est toutes petites plantes. Du coup, juste un broyeur de cuisine est suffisant pour broyer les arabettes. En France, elles se situent à Oby, donc dans le nord, sur les anciens sites de Metal Europe. Et du coup, on a choisi cette plante parce que du coup, elle était adaptée aussi à nos conditions, donc de température, d'hydrométrie, qui sont similaires à ce qu'on retrouve sur les populations naturelles d'Oby. Vous pouvez nous décrire un petit peu l'expérience que vous voulez faire ? Donc les arabettes, on les récupère et on les fait sécher. Une fois qu'elles sont bien secs, on va les broyer dans un broyeur. Et donc une fois qu'elles sont broyées, on récupère du coup le broyat que l'on conserve. Ça a une odeur ? Une odeur de plante. On dirait un thé vert pour 16 heures. C'est vrai. C'est pas des plantes qu'il faut consommer vu qu'elles sont enrichies en zinc et en cadmium. Le broyat est ensuite minéralisé dans de l'acide et ce liquide est analysé par ICP. Et donc nos arabettes ont une concentration en zinc de 10 000 mg par kilogramme de pois sec. Une plante lambda, sa concentration c'est quoi ? Une plante lambda, alors pour le zinc, les concentrations moyennes chez les plantes poussant sur milieu non pollué sont de 100 mg par kilogramme. Valérie Herbert, on vous a vu tout à l'heure dans la Soleil de Montataire et vous venez de nous rejoindre au sein du laboratoire de l'INERIS. Les métaux lourds, une fois qu'on les a révélés, qu'est-ce qu'ils deviennent en fait ? Alors en fait, il faut faire la différence entre les métaux lourds qui sont accumulés dans la plante. Nous, on travaille sur le zinc et le cadmium qui sont les deux métaux lourds que ces deux plantes sont capables d'accumuler. Le zinc, en fait, on l'utilise dans plein de domaines. Et c'est un métal qui va se raréfier dans les 10-20 prochaines années au niveau mondial. Il n'y a plus beaucoup de mines qui sont encore en activité et donc ça peut permettre le fait de récupérer le zinc de l'arabette de Haller ou des feuilles de saule, d'avoir un gisement pour diversifier simplement le gisement du zinc qu'on va utiliser dans plein de domaines. Pour le cadmium, c'est différent. Le cadmium, c'est un élément qui n'est pas essentiel pour les organismes vivants. C'est un élément toxique, même à faible dose. Et donc, lui, on voudrait plutôt s'en débarrasser, parce que c'est effectivement un polluant. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Quand on brûle, par exemple, le bois du saule dans une chaudière à biomasse, le cadmium peut se retrouver éventuellement dans les cendres sous foyer. S'il est faiblement concentré dans le bois des saules, il va se concentrer un peu plus dans les cendres sous foyer, mais néanmoins, il peut correspondre à la réglementation, par exemple, pour une utilisation des cendres en agriculture pour un retour au sol. Est-ce que vous êtes optimiste, Valérie Bert, vous qui êtes ingénieur de recherche, sur ce qu'on peut appeler l'économie verte, en fait ? Je pense qu'il y a une réelle prise de conscience de la population, des citoyens, des pouvoirs publics. Il y a des réglementations, des lois qui vont dans ce sens-là. Donc, très certainement, dans les années à venir, il y aura des débouchés et des prises en compte, en fait, des procédés les plus vertueux possibles pour, effectivement, qu'il y ait de moins en moins de pollution par les industriels, par tout un chacun. Madame, est-ce si on plantait un peu le décor, parce qu'on entend un petit peu de bruit autour de nous. Oui, donc là autour de nous on a l'autoroute A12 qui est juste à côté. Et aussi on a un héliport et un aérodrome juste à côté aussi. Du coup tout ça fait partie de, des différents types de sons qu'on peut entendre ici au jardin. Et alors, ça fait combien de temps que vous êtes sur ce jardin ? Ici, je suis là depuis 8 mois. Je m'occupe et des jardins et de la zone de production. Avant de prendre mon poste, c'était une zone qui était anciennement abandonnée entre plusieurs champs cultivés. Et du coup, cette zone-là a été squattée et aussi polluée par des déchets de gravats, etc. Au fil du temps. Et cette zone-là a été reprise dans le but de la valoriser. Et la solution trouvée pour cette valorisation a été la culture hors sol. Avant de pouvoir cultiver ici sur cette surface-là, on a amené 1,80 m de terre pour justement partir sur une nouvelle terre, une nouvelle base, on va dire. Et à partir de là, on a introduit des bacs de culture qui sont complètement hors du sol, en fait. Du coup, on a des bacs avec dans lesquels on met du terreau. Et ce terreau-là est utilisé pour cultiver les différentes plantations. Donc voilà, les racines ne sont pas en contact avec le sol propre sur lequel, là, maintenant, on a nos pieds. Donc, c'est 1,80 m, on appelle ça de la marne, c'est ça ? Voilà, on a mis 1,80 m de marne. On a aussi fait une certaine disposition qui permettait d'avoir un drain central qui récupérait toute l'eau, que ce soit l'eau de pluie ou l'eau d'irrigation. Du coup, c'est en forme de toit inversé, on va dire. Et du coup, tout ce réseau de drainage est relié au bassin. On a un bassin de rétention, justement, de récupération des eaux. Et à partir de ce bassin-là, avec différents points de pompage, de traitement, aux UV, etc., on peut redistribuer notre eau soit sur les jardins, soit sur la zone de production. Alors, zone de production, qu'est-ce que vous produisez ? On produit des fruits rouges, fraises et tomates. Dans le domaine du hors-sol, de l'agriculture hors-sol, la fraise et la tomate sont des produits quand même à forte valeur ajoutée. Du coup, même l'installation pour produire de la fraise, même les plants de fraises, les obtenteurs de fraises, c'est vraiment un secteur très important, en fait. Et aussi, la fraise et la tomate, c'est quand même des produits qui sont assez intéressants. On a une clientèle assez large au niveau de tout ça. Sachant que nous, justement, on privilégie le circuit court. Donc, faut savoir que nos fraises, elles sont récoltées le matin et distribuées le jour même. Ce qui nous permet aussi d'avoir des fruits vraiment cueillis à maturité, ce qui permet de garder des facultés organoleptiques assez intéressantes. Pour les tomates cerises, on a choisi plusieurs variétés colorées, ce qui nous permet d'avoir des petites barquettes assez belles et aussi toujours garder ce côté-là où on peut cueillir vraiment à maturité et avoir des fruits vraiment qui présentent toutes les qualités qu'on recherche. L'autre partie, Adam, c'est pour le particulier, des gens qui veulent avoir un coin de jardin. Oui, donc voilà, l'autre partie, c'est une zone qu'on a mis, en fait, c'est des bacs avec du bois qu'on n'a pas traité, du bois naturel. Donc ces bacs-là occupent une surface totale de 50 mètres carrés, dont 25 mètres carrés cultivables. Et à partir de là, le locataire prend possession de ses parcelles et cultive ce qu'il veut. Qui sont les gens qui viennent jardiner ici ? Les profils sont assez variés. On a des retraités qui sont ici du coin de Saint-Cyr ou à proximité. On a des gens qui viennent d'autres départements plus loin, qui sont des cadres dynamiques. On a des jeunes aussi qui sont auto-entrepreneurs ou autres, qui passent plus souvent, etc. On a des couples qui sont amis et qui ont ici aussi deux ou trois parcelles de louer. Du coup, on a des profils assez variés. Xavier Leroux, vous dirigez les jardins de Gailly et c'est vous qui avez eu l'idée en 2014 d'installer sur cette décharge de la culture hors sol et des jardins partagés. Comment est-ce que tout ça a commencé ? Nous avions à cette époque la volonté de réfléchir sur deux choses. D'abord, c'est vrai qu'on perd un département en France de terres agricoles tous les 7 à 8 ans. Mais c'est vrai aussi qu'on ne sait pas reconquérir que j'appelle les délaissés de la ville. On ne sait pas reconquérir les friches urbaines. Maintenant, on le fait beaucoup dans le monde, je dirais, très urbain et très dense avec l'agriculture urbaine. Mais dans le périurbain, c'est un peu le parent pauvre parce que y a moins d'acteurs et les enjeux en termes de reconquête de surface sont plus importants. Donc on a dit, mais on pourrait peut-être faire de ce lieu un lieu un peu exemplaire qui soit aux confins de nos deux métiers, puisque Gailly a deux métiers, le métier de l'agriculture spécialisée et le métier du paysage. Et dans le métier du paysage, on a compris qu'il y avait des demandes nouvelles. Et ces demandes nouvelles, eh ben, l'entreprise privée que nous sommes peut aussi parfois réfléchir à y répondre. Voilà. Donc on a réfléchi à ça et on s'est dit, mais finalement ça n'existe pas. Et enfin, troisième opportunité, il y avait à côté de ce lieu, la rénovation d'une des stations d'épuration qui était plus aux normes en Europe et qui a été aujourd'hui une des plus modernes d'Europe et qui est à 200 mètres d'ici. Et quand on rénove une station et qu'on fait tout en enterré, ben on excave beaucoup de terre, comme ce qui va se passer avec le Grand Paris aujourd'hui. Puis on emmène ça très loin, on fait des terrils très loin et on pose le problème chez les autres et puis on oublie. Parce qu'on est riche, on peut l'emmener loin. Et en fait, on a dit, mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à être un peu plus proche, à être entre voisins, même si nous, on est agriculteurs et eux, c'est un très gros syndicat intercommunal, etc. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir différemment, puisque de toutes les façons, ces terrains sont des terrains qui sont des terrains de remblai. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur le fait de faire ce qu'on appelle des économies par coût évité ? Et faire qu'on va transformer cette décharge en un lieu, entre guillemets, moderne de résilience. C'est-à-dire tout va être fait avec de la récup et tout va être fait avec l'idée que on évite d'exporter en dehors du territoire des terres. Et puis on va aussi réfléchir pour que ce lieu soit un lieu à nouveau de vie, c'est-à-dire on va y mettre des usages nouveaux. Et les usages nouveaux, c'est des potagers à louer d'une part, et puis de la culture spécialisée hors sol d'autre part. Et puis le troisième niveau, c'était de dire, mais dédiabolisons le hors sol. Xavier Leroux, si j'en crois, le recensement de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie, la DRI, on compte 421 sites pollués en région parisienne. Donc votre démonstrateur va faire des petits ? Ben le but, c'est de montrer que, effectivement, sur le temps long, on n'est pas obligé de se payer des dépollutions qui coûtent des millions et des millions d'euros pour des solutions économiques qui n'auront pas les moyens de les payer. C'est pas la panacée, mais c'est probablement une situation originale qui permet d'éviter les coûts de décharge à l'autre bout de la région parisienne et de surtout de refaire que ces lieux qui sont aujourd'hui des lieux fermés soient des lieux ouverts, qu'on y trouve un usage. Ici, quand on accueille des familles et qui vous disent, enfin Adam qui vit sur ce terrain et l'anime quotidiennement, rencontre des familles qui sont toutes, la plupart, dans un habitat collectif et qui viennent ici comme dans leur jardin. Elles se l'approprient. Et quand vous avez des ménages qui vous disent, mais vous savez, ou des femmes seules qui viennent là et qui vous disent, ici, je me suis fait des amis dans mon immeuble, je ne connais personne. Vous vous dites, bah, au moins, ça a servi à quelque chose, parce que le fait de faire, le fait d'être dans un cycle long, dans un truc simple, et dans de l'entraide, dans de la gratuité, parce qu'on se file des plants, parce qu'on se donne ses excédents de récolte, bah, ça c'est très simple, ça paraît idiot, mais dans le contexte que nous vivons dans les métropoles tendues que nous avons, ça vaut peut-être le coup d'être reproduit comme expérience. Le Grand Paris guérit ses sols par les plantes, avec Valérie Baird, ingénieur de recherche à l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, Florent Clavier, directeur de mission développement durable et agriculture au sein du Grand Paris Seine-et-Oise, Claire Novak, responsable forêt au sein de l'ONF, Xavier Leroux, directeur des fermes de Galie et Adam le jardinier, Bernard Courtin, directeur général de Biomis G3, Bernard Tailly, maire de Frépillon, et Luc Blanchard, journaliste, auteur de « Plaine en devenir, histoire de la plaine de Pierrelaye ». Merci à Aude Dorsemen et Karine Grimaud. La série documentaire, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomarède. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au chant, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, volcan et séisme, stupeur et tremblement.